Le gilet. Histoire vraie. Un moujik s'occupait de commerce et y gagna tant d'argent qu'il devint un des premiers négociants de la ville. Il avait des centaines d'employés à son service et les connaissait tous par leur nom. Un jour, 20 000 roubles disparurent et les employés principaux recherchèrent le coupable. L'un d'eux vint chez le marchand et lui dit « J'ai trouvé le voleur. Il faut le déporter en Sibérie. » Le marchand demanda « Et qui est le voleur ?»« C'est Ivan Petrov. Il a avoué lui-même le détournement, » répondit l'employé. Le moujik réfléchit et dit « Il faut pardonner à Ivan. » L'employé étonné s'écria « Comment lui pardonner ? Mais alors, tous les employés l'imiteront et ils gaspilleront tout votre bien ?»« Il faut pardonner à Ivan Petrov. » répéta le marchand. « Lorsque je me suis marié, j'étais très pauvre. Je n'avais rien pour me vêtir le jour de la cérémonie, et il me prêta son gilet. Il faut lui pardonner. » Ivan fut donc épargné.